Techniquipé. Profitez de nos conditions printemps, remises complémentaires et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Nouveau Opel Renier, votre nouveau concessionnaire Opel à Soumagne. Choisissez Opel Renier, vous avez tout à y gagner. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, un hommage à Pierre Rapsat. Humour, théâtre, musique, spectacle de rue, les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb festival-vts.net avec Vivacité. Il y a des nuits où je rêve de prendre un break. Sable blanc, mer transparente, les enfants qui jouent avec des cerfs-volants grands comme des deltaplanes. Et en plus, j'y vais en Mercedes. Ah, et puis au réveil, on me dit que l'Ignocar offre des conditions exceptionnelles sur les Mercedes Break de seconde main. Alors, I take a break. L'Ignocar. Bye Mercedes-Benz. Chez Nearly New Car, il y a déjà une Mercedes classe C Break à partir de 17 500 euros. Dès que Break, surfez sur nnc.be. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. Vous écoutez Vivacité, il est 15h. Les infos. Bonjour Marianne Brilo. Bonjour à tous. Deux jours avant leur choc face à l'Italie, les Diables Rouges se sont retrouvés ce matin à l'entraînement à huis clos et toujours à Bordeaux. Eden Hazard, qui avait quitté la séance d'hier suite à un coup de pied, le capitaine était bien de la partie, de même que les 22 autres joueurs. Demain matin, l'équipe belge prendra la direction de Lyon où un entraînement est prévu le soir. Le stade olympique de Lyon, qui a été inauguré en janvier dernier et qui permet d'accueillir 56 000 spectateurs. C'est là que les Diables Rouges joueront leur premier match de l'Euro lundi à 21h contre les Italiens. La deuxième journée de cet Euro commence en ce moment avec Albanie-Suisse dans le groupe A, celui de la France, avec de l'inédit cet après-midi sur le terrain de Lens. Les frères Chaka, Tolant pour l'Albanie, Granit pour la Suisse sont titulaires et c'est la première fois de l'histoire que deux frères s'affrontent durant un match du championnat d'Europe des Nations. Ce soir à 18h, ce sera Pays de Galles-Slovaquie, à 21h Angleterre-Russie à Marseille. Marseille où une petite dizaine de personnes ont été interpellées après des incidents entre supporters anglais et forces de l'ordre. Cette menace d'effondrement d'un immeuble à Houilly, à la rue des Jardins. Les locataires ont été évacués, des analyses sont en cours. Le gaz et l'électricité ont été coupés dans l'attente des résultats et la rue est fermée à la circulation. Le réacteur de Tihange 2 redémarrera sans doute mercredi. Il s'est arrêté automatiquement hier. Un arrêt dû à une panne d'un moteur électrique, c'est ce que précise cet après-midi le porte-parole du site nucléaire. Certaines pièces du moteur doivent être remplacées, ce qui va prendre quelques jours. Défilé militaire et parade aérienne pour les 90 ans de la reine Elisabeth II cet après-midi à Londres. La reine qui a procédé à la traditionnelle revue des troupes tout près du palais de Buckingham Palace avant d'assister à une parade aérienne entourée de la famille royale et aux côtés de son époux le prince Philippe qui fêtait lui ses 95 ans hier. Habillée d'un manteau et coiffée d'un chapeau vert éclatant, la reine attire les regards, c'est sûr, et cet après-midi sur Twitter, certains internautes la comparent même et comparent sa tenue à celle de la marionnette de Kermit la grenouille. On va voir comment ça roule avec Antoine Binamé, toujours des problèmes sur la Nationale 56. Oui, toujours sur la N56 qui relie Nîmes à Hatte à hauteur de Hatte au niveau de la chaussée de Mons. Circulation qui s'effectue uniquement via une seule bande suite à un accident qui s'est produit vers midi. Dans les deux directions donc, et puis à l'instant, je vois qu'on nous signale un véhicule en panne à Bruxelles dans le tunnel Léopold II à hauteur de la sortie Isère. Bande de droite neutralisée en direction du midi. Pour le reste, situation calme sur nos routes cet après-midi. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La Franco-Odyssée nous amène à Montpellier ce samedi. Je vous laisse avec toute l'équipe d'Adrien Jouvenot. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Il programma li ha presentati. Adrien Jolie. Grandeur nature sur Vivacité. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Montpellier pour la dernière Francodyssée de ce printemps 2016. Vraiment, je suis ravi de vous accueillir parce que je suis en très bonne compagnie. Waouh, Catherine Tonero, le retour dans cette Francodyssée. Oui, effectivement, ça faisait un bail. Là, oui. Je suis ravi d'être ici, hein, à Montpellier dans le sud. Place de la Comédie, nous sommes en face des Trois Grâces. Aglaé, Euphrosie et Thalys. Et on est venu en train, c'est assez amusant. Ouais, voilà, on est exactement. Arrivé en TGV direct ouais, de Belgique, Bruxelles midi, Montpellier, 6h, on y est, c'est rapide. En plus, c'est super rapide et on est ici dans le sud, dans une ville gorgée de soleil, hein, 300 jours par an, il fait magnifique, super chaud. Là, c'est pour débuter l'été. Il n'y avait pas mieux. Et oui. Pour terminer cette belle aventure de Francodyssée. Alors, nous allons faire du kitesurf dans cette émission. Nous allons faire du canoë. Kitesurf, canoë, réserve naturelle, c'est une ville qui, en dehors d'être une ville, propose toute une série d'activités en nature, en plein air, qui sont assez incroyables et avec lesquelles on va prendre beaucoup de plaisir, je vous le garantis. On va circuler aussi à bord de ce métro flambant neuf. Qui l'a décoré? Il est magnifique. Christian Lacroix, wow. En personne. Et c'est la ville la plus cyclable d'Europe, voilà. La plus piétonne. Tout est fait ici pour la mobilité douce. Regardez même le tram, on peut rentrer dedans sans marchepied. C'est au niveau du sol. C'est assez bien fait. C'est un bon exemple pour Bruxelles, par exemple. Hein, suivez mon regard. Parmi les invités qui vont jalonner cette émission, notre ami Cody, qui sera carrément l'invité d'honneur. Ah ben écoutez, c'est un honneur que vous me faites, parce que moi, je n'étais jamais venu à Montpellier. Montpellier, il paraît qu'on dit Montpellier, pas Montpellier. Donc, et je suis très content d'être là. Il fait super beau. Cette place est magnifique. Place de la Comédie, en plus. Oui, et on l'appelle aussi Place de l'œuf. Place de l'œuf, oui, oui, oui. Il paraît que venir sur cette place, il y a une expression pour décrire le fait de se balader ici, c'est faire l'œuf. Et vous allez faire l'œuf dans l'émission? Bah écoutez, je vais faire l'œuf. J'ai l'habitude de faire la poule. Ça dépend des moments, ça dépend de ce qu'on paye. Vous avez un petit côté coq aussi. Hein, oui, c'est vrai. Ouais, franchement. Un petit côté coquelet, donc c'est vrai que ça me va bien de faire l'œuf. D'ailleurs, Cody fait très fort dans la vidéo de cette Francodyssée en ligne sur vivacité.be. Allez la visionner et dites-nous quel animateur de Vivacité Cody imite-t-il. Votre réponse au 60-03 vous vaudra peut-être un week-end pour deux personnes dans un des plus beaux villages de Wallonie, celui de Chassepierre. On vous souhaite bonne chance. Dans quelques instants, on va aller faire du vélo-taxi avec une société qui s'appelle Lapi Move et qui existe depuis 2 ans ici pour permettre justement aux piétonniers, puisque c'est un énorme espace piétonnier, de pouvoir se déplacer un peu plus rapidement qu'à pied. Juste après la chanson de John Maman sur Vivacité. Si tu tombes beaucoup trop bas, tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Ta voix perdue sur les chemins, tends une main vers moi. I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. Tout comme un défi, je te lève. Love Life, c'était John Maman sur Vivacité. Quel plaisir, hein, Catherine Tonnerreau, de se promener dans cette ville quasiment cyclopiétonne. Ah oui, le piéton est roi ici. Hein. Nous, quand on est arrivé à la gare, en plein centre-ville, on a directement été accueillis par des Happy Riders, qui sont les collaborateurs de la société Happy Move, que va nous présenter Antoine, son gérant. Antoine, d'ailleurs, merci, parce qu'à la sortie du TGV, hop là, on saute dans le tuk-tuk. C'est un peu un tuk-tuk, c'est un vélo. Comment est-ce que vous décririez votre engin ? Alors nous, on utilise le thème de vélo-taxi. On a trouvé que c'était le plus parlant pour les gens, notamment taxi, puisque ça se dit dans toutes les langues. Je crois que tout le monde dans le monde sait ce que c'est qu'un taxi. Et vélo, parce qu'effectivement, on travaille avec une base vélo pour tout ce qui est la locomotion et l'énergie qui est déployée pour transporter les gens. Alors on est dans la ville, même si de temps en temps il y a une voiture qui passe, c'est hyper rare. On est dans une ville à l'échelle de la mobilité douce. C'est vraiment très agréable de travailler ici pour vous. On a choisi la ville par son centre piétonnier qui était en tout cas le plus grand de France, je crois que c'est toujours le cas. Et puis pour son bon vivre aussi, puisque c'est vrai que le climat est assez agréable. Cody, vous avez testé le tuk-tuk ? Je vais le faire et je vais piloter si vous me le permettez. C'est une façon de créer son job, hein. Vous avez peut-être engagé Cody comme pilote, parce que vous avez non seulement créé votre entreprise, mais créé de l'emploi. Vous avez des cyclistes qui pilotent ces taxis un peu partout en ville. Le fonctionnement du vélo-taxi, c'est à la fois un service de transport qu'on propose à la population pour tous les jours. Ça peut être aider une dame âgée à faire ses courses. On l'accompagne de magasin en magasin avec un forfait shopping. Ça peut être emmener une personne d'un point à un autre parce qu'elle est chargée, aller chercher les enfants à l'école. Ça peut être aussi des balades touristiques, puisqu'on propose une visite en une heure chrono de tous les monuments du centre-ville. Et autour de ça, donc, on a ce transport avec des happy riders, vous l'avez dit tout à l'heure, qui créent eux-mêmes leur activité, puisqu'ils travaillent en indépendant avec nous. Et à côté de ça, nous, on finance l'activité de l'entreprise, le fait de pouvoir mettre en place ce service avec un service communication. On propose des campagnes de communication à travers nos vélos. Alors tout de suite, un petit mot avec Benoît, qui est un des Happy Riders, sur cet engin. J'imagine que vous n'avez pas besoin à la fin de la journée d'aller en salle de gym, Benoît. Un peu quand même, parce qu'on travaille sur tout le bas du corps, mine de rien. Donc si on ne veut pas ressembler à un gros poulet en bas et un fil de fer en haut, il faut quand même un petit peu faire autre chose. Mais non, sinon ça va. Moi j'ai perdu du poids. Hein. Oui, alors ouais. Cody s'est installé dans le cockpit. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire s'il veut être comme vous, un Happy Driver ? Quelle est la formation express ? Alors la formation express, c'est que ça braque très fort. Ça braque très fort. Et là, j'ai appuyé sur le frein. Il faut maintenir le frein. Toujours. C'est surtout pour stabiliser le vélo pendant qu'on monte, qu'on descend. Surtout quand les clients montent et descendent du vélo, pour pas que le vélo se mette à rouler pendant qu'ils feront des manœuvres. Il y a une assistance électrique, ouais, qui nous aide bien pour les démarrages en côte principalement. Il y a un système de klaxon, je crois. C'est une petite sonnette. C'est une sonnette de vélo qu'il faut activé assez fréquemment, parce que justement quand on arrive dans le dos de quelqu'un, la plupart du temps, comme il entend une sonnette de vélo, il se retourne pas parce qu'il pense que c'est un vélo qui va passer près, et du coup faut insister un peu pour qu'il s'aperçoive que c'est quelque chose de plus large. On dirait vraiment un chopper, hein. Ouais, c'est un peu construit comme ça, ouais. C'est un chopper, mais à la fois un mélange entre un chopper et un chopper chinois, quoi. Bon, ben je m'installe à l'arrière, Cody, c'est quand vous voulez, on peut y aller. Hop là, je m'installe et je me fais piloter dans les rues de Montpellier par Cody. Allez-y. Bonjour, alors bienvenue ici à Montpellier, où je peux vous emmener avec mon petit tuk-tuk. Alors, où vous voulez qu'on aille ? Eh bien écoutez, moi j'aimerais aller à la plage, Cody. C'est parti à la plage. Pas la valse, les flots. Bon, Cody, si vous voulez, on va changer, je vais me mettre devant. Ok, okay, on fait vous avez ça. Plus l'habitude. J'ai un peu plus l'habitude, pendant ce temps-là, on écoute Birdy sur Vivacité. People help the people. Thank you. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, turned all those good hearts away. Jolie chanson pour une balade tout en douceur, Birdie, People Help the People, balade à vélo où on s'entraide, Cody, entre le centre de Montpellier et Palavas. On marque une pause dans une réserve naturelle, le site naturel protégé du Méjean, et je vois que vous êtes comme un gamin, vous n'arrêtez pas de prendre des photos partout. Je prends des photos, c'est magnifique, j'entends le chant des rossignols et je pense à Luis Mariano. Excusez-moi, mais c'est l'émotion. Oui, mais elles sont encore beaucoup plus belles, grandeur nature, ces petites bestioles. Hein. Ah oui, Là. Nous sommes, Catherine Tonnerreau, dans un endroit que vous avez filmé, d'ailleurs on peut le voir dans la vidéo en ligne sur vivacité.be, lors de cette balade à vélo entre la ville de Montpellier et la plage. Exactement, 11 km à peine séparent les deux, et donc ici on est plus ou moins au milieu, on arrive là en pleine nature sur vraiment un havre de paix, plein de verdure et de, vous les entendez, de sons super apaisants. Gwenaëlle, quelle est la superficie, vous qui gérez ce site, de cette réserve Natura 2000? 200 hectares de terre, donc de zone humide et de marais, et 470 hectares d'étang. entrée gratuite, ça c'est important de le dire. Les cyclistes peuvent venir, les piétons, les familles, les personnes handicapées aussi. L'accès est pour tous. On a même donc un sentier accessible à tous qui est labellisé tourisme et handicap, donc pour les personnes en situation de handicap, aussi les personnes qui ont du mal à se déplacer. Et ensuite, donc, on a un autre sentier où justement tous les usagers sont autorisés avec vélo, chien tenu en laisse, pour que tout le monde puisse faire une promenade en toute sérénité. On est d'ailleurs sur ce sentier d'interprétation qui concourt pour un prix actuellement. Oui, il a été nommé pour la catégorie tourisme et loisirs pour les trophées de l'accessibilité, donc qui récompensent les sites qui font des efforts pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et donc nous attendons la réponse, on est dans les trois derniers finalistes. Là on entend, c'est la cigogne qui claque du bec, elle claquette, on dit, ou craquette, c'est son seul chant, elle ne chante pas autrement, c'est son seul signe distinctif. Excusez-moi, vous confondez avec Fred Astaire, c'est Fred Astaire qui claquette. Aussi, tout à fait, donc il cigogne, a de la concurrence, cigogne, n'est-ce pas? La cigogne, elle vole. Est-ce qu'elles sont ici par hasard ou on est vraiment sur leur route de migration? On est sur leur route de migration, toutes les cigognes qui partent d'Allemagne, d'Alsace, suivent en général le couloir du Rhône, pour passer par la Camargue, les Pyrénées et l'Espagne et l'Afrique. Donc on est un lieu de halte migratoire où elles trouvent refuge, repos et également où elles se reproduisent. Oui, elles font également de la télé-réalité puisqu'elles sont sous les caméras. Il y a 10 caméras qui filment ces cigognes, elles sont nombreuses. Il y a des cigognos aussi. Oui. Alors, vous avez filmé quand elles se reproduisent? Une caméra pour Dini. Oui, alors on les filme en direct, on n'est pas gentils, on ne les laisse pas tranquilles dans leur intimité. Tout ça pour le retransmettre à l'intérieur de la maison de la nature qui est la structure d'accueil et que le public justement puisse voir l'éclosion des œufs, la croissance des jeunes jusqu'à l'envol des cigognos qui est en général vers l'âge de 3 mois. À voir sur le site, hein. C'est ici qu'il faut l'apprécier, c'est magnifique, c'est vraiment... apaisant, hein, Cody. Dans les vies un petit peu trépidantes qu'on mène, ça fait du bien de se poser. Ça fait vraiment du bien, parce que c'est vrai qu'on est toujours en pleine agitation, et là, je suis vraiment zen. C'est le bonheur. On va continuer notre petite balade. Où allez-vous nous emmener, Catherine Tonnero? Eh bien, on continue sur le bord du fleuve, le Lèze, qui va nous emmener sur le littoral, hein, on la fait une mer. Descente de Lèze. Voilà, une descente de Lèze, hein, la descente de la Lèze chez nous, la descente du Lèze à Montpellier pour arriver vers le littoral et la mer. Et un spot assez particulier pour les amateurs de kitesurf. Ça va être génial. Et ça tombe bien, il y a pas mal de vent. On se retrouve après la pub et après Lost Frequencies. À tout de suite. Je vais m'offrir deux ou trois petites choses. Ce bikini, la paire de bottes là, cette superbe robe noire aussi. Et puis les lunettes de soleil, ce jeans magnifique bien sûr. Et les vous, que feriez-vous avec 6000 euros? Par Ecar by Van der Heijden, des voitures presque neuves, nettement moins chères que les neuves. À Mélin-Soumagne, Henri-Chapelle, Verviers et Eupen. Showroom online sur eurecar.be. Profitez dès aujourd'hui d'une belle action chez Optica. À l'achat d'une monture avec verre optique, vous recevrez une deuxième paire gratuite, voire conditions en magasin. La vue n'est pas un luxe. Optica. Mes lunettes et lentilles, je les trouve sur optica.be. Le Spa Eurorace. Les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps. L'unique représentation du bel car à Francorchamps. Des courses internationales. Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin. 9 courses au programme. Un spectacle intense et gratuit. Infos et invitations sur racspa.be. Avec l'avenir et vivacité. Week-end de porte ouverte les 11 et 12 juin chez votre concessionnaire Lana. 3 nouveaux modèles à découvrir. Lana, choisissez parmi 5 marques. Boulevard Zénogramme 33 à Herstal. Bonjour, je suis Donald Meul. Depuis 35 ans, chaque cuisine de vie est conçue comme je le ferais pour moi. Donc, je choisis toujours la meilleure qualité. Par exemple, pour la finition de nos armoires, je n'utilise pas de mélamine, mais bien du stratifié très solide. Avec Dovie, vous choisissez une cuisine belge sur mesure et pour le meilleur prix. Maintenant, chez Dovie à Wan, lave-vaisselle gratuit et 50% de réduction sur la taque à induction. Plus d'infos sur dovie.be. Cuisine Dovie. Nous créons votre cuisine. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malou, Big Flo et Oli, IBI, Musti, Christophe, Nekfeu, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec Vivacité, la 2, RTC, Télé Liège et Métro. Sometimes I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? C'était Lost Frequencies sur Vivacité. La dernière fois qu'on les a vus, Catherine Tonnerot, c'était au Palais Royal de Bruxelles. Exactement, à la remise de prix Belgodice. Oui, et ici ça change de cadre, on est pieds nus, on est dans l'eau. Pieds dans l'eau en bord de Méditerranée à Villeneuve-les-Maguelones. Un endroit très prisé des kitesurfers. C'est souvent ici que vous venez vous entraîner, Cody. Ah oui, c'est-à-dire qu'avec les copains, dès qu'il y a du swell, on débarque ici, puis on monte le mât. Attention, parce que c'est justement une plage de nudisme, je me trompe pas, Nicolas? Oui, une plage naturiste, tout à fait, oui. Oui, c'est la première fois que je vois, derrière vous, il y a des gens à vélo tout nus. C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas comment ils montent sur le vélo, ça doit quand même être assez douloureux. Mais nous ne sommes pas là pour parler naturisme, mais bien kitesurf. C'est assez prisé ce spot, comme Fuerteventura ou comme West End en Belgique. C'est un spot prisé parce que c'est un spot qui a une aérologie un peu particulière, qui permet du coup de faire du kitesurf un petit peu dans toutes les conditions. Aussi bien par vent du nord que par le vent de la mer. Et l'été, il y a ce qu'on appelle un vent thermique qui se lève régulièrement et qui permet de pratiquer du coup toute l'année. Quel type de kite pratiquez-vous ? Alors nous, on pratique sur ce spot, on peut pratiquer quasiment toutes les activités du kite sur l'eau. Il y a 6 disciplines en kitesurf. Les plus couramment, je dirais, pratiquées sont le freestyle. Hein, donc c'est un kite où on fait des figures un peu acrobatiques. Après on pratique aussi le speed crossing, ce sont des allers-retours entre deux bouées avec des planches qui permettent d'aller un petit peu vite. Et puis la dernière activité à la mode, c'est le foil. Donc c'est une planche qui est montée sur un grand mât avec comme une aile d'avion dessous et qui permet de littéralement voler au-dessus de l'eau. Alors, moi qui n'y connais rien, je vais parler comme un béotien, mais c'est un peu une planche à voile tirée par un grand cerf-volant, en gros. Oui, c'est ça, c'est une planche, plutôt une planche comme une planche de surf ou une planche de wakeboard, qui est tractée par un gros cerf-volant, tout à fait. Un très très gros cerf-volant. Alors, on frimait un peu tout à l'heure, Cody, en disant que vous veniez régulièrement ici, mais est-ce que vous l'avez déjà maintenant sérieusement testé ? Alors, sérieusement, non, j'ai jamais testé. J'ai beaucoup d'amis qui font du kitesurf, mais moi, je n'ai jamais testé. Est-ce que ça vous dirait ? Eh bien, écoutez... C'était la dernière émission de Cody. C'est allons-y Survivacité. Pour un test. J'en fais de Franck-Odyssée à Montpellier. Mais maintenant, on va se quitter, je peux te le dire, je vais te tutoyer. Oui. On t'aimait bien, Odyssée. Ah, ben oui, mais je m'aimais bien aussi. Mais je vais tester quand même. D'accord. On pourra effectivement, dans quelques minutes, donner une petite leçon à Cody. C'est possible parce que je crois que c'est ça aussi la spécificité de ce sport, c'est qu'il est accessible à tous, même aux personnes plus âgées comme moi. Aux filles, aux néophytes comme Cody. Enfin, tout le monde peut essayer. Oui, tout le monde peut essayer le kitesurf. Ça peut être un sport extrême. Mais c'est un sport qui est tout à fait accessible pour tout le monde, aussi bien les enfants, des 10-12 ans, ils peuvent commencer à pratiquer le sport. Donc Cody peut, c'est pour les enfants, on peut. Oui, ben alors je peux y aller. Cody peut y aller sans problème. Et puis effectivement, des gens plus âgés, il y a des gens qui ont plus de 60 ans qui se mettent au kite, et bien sûr, les filles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer le kitesurf. On a déjà mis les images en ligne sur vivacité.be, allez-y, ça vaut vraiment la peine, sur la page Facebook aussi de cette Franck-Odyssée Grandeur Nature, et dans quelques instants après la chanson de Pauline, Allô le monde, on dira Allô Cody. Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces t'abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine? Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus. Étranges idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place. Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face? Pousser à la révolte ou faire le premier pas, semer pour qu'on récolte, crier mon effroi. Prends soin de toi. C'était Pauline sur Vivacité dans cette Franco-Odyssée. Je rappelle que nous sommes dans la région de Montpellier, précisément entre Palavas-les-Flots et la plage de Frontignan. Nous sommes sur la plage de Villeneuve-les-Maguelones, qui est le spot numéro 1 pour les kitesurfers en France. Christophe, vous êtes vice-président du club Kite Maguelone, moniteur fédéral. C'est vrai que c'est the place to be pour les amateurs, hein. Oui, tout à fait. C'est un endroit déjà de par sa situation géographique qui est déjà agréable. Et on a des conditions de vent pour pratiquer qui sont fantastiques toute l'année. Maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez un petit peu, Cody, oui, sur cette leçon que va vous donner Christophe. En quelques minutes, que pourriez-vous lui donner comme tuyau, comme truc pour qu'il maîtrise un peu le kitesurf ? Il faut être doux avec la barre. La barre, c'est... Ça, c'est dans mes cordes. C'est l'ustensile, c'est l'ustensile de pilotage du kite. Oui. D'accord ? Donc ici, on ne fait pas de mouvement brusque. D'accord. Parce que le kite répond très rapidement et tu vas sentir vite la traction de l'aile. Bon, tu prends le manche en main. Donc, je vais lui montrer comment faire. Déjà, ce kite-là, c'est un cerf-volant de traction donc qu'on utilise pour les débutants, les gens qui n'ont jamais touché une aile. Donc là, on va le décoller en pleine fenêtre. Donc c'est une aile à caisson. La particularité de l'aile à caisson, c'est qu'elle est gonflée par le vent. On attrape la barre et on tire légèrement sur la barre et le cerf-volant monte. Ouh là, ça monte super vite. Voilà. Je vais jamais y arriver. Le cerf-volant atteint le zénith, ce qu'on appelle. D'accord. Cody, vous êtes prêt ? Je suis prêt. On y va ? Je vais tenter le mouvement. C'est parti, attention. Oh là. Oh là. Et je dois dire au départ, ouh là là, que la voile est orange aux couleurs de... Je suis au zénith, là. Vivacité. Attendez. Oui. On va le faire aller à droite, donc tu tires à droite. Voilà, je tire et déjà, on tire à gauche. Ah oui, d'accord. Ok ? Des petits mouvements comme ça. D'accord. Pas plus que ça. D'accord. Ok ? Ouais. Oula, elle... Voilà, ça tire de plus en plus parce qu'on est allé un peu bas. Au niveau de l'aérologie, là... J'ai lâché tout. Cody, restez avec nous. Je sens que je commence à maîtriser le mouvement, là. Oui, oui. Regardez. À gauche. À gauche. À droite. À droite. Attention. Oh là là là là là. Attention. À droite. Allez, c'est parti, ça remonte. Ah, on a failli perdre Cody. Oui. Recule. Catherine Tenero, vous-même, vous avez fait l'exercice, vous avez suivi cette leçon. Ça forme les biceps. Exactement, hein, la traction, là, c'est du cerf-volant puissance 1000. Hein, c'est super impressionnant. Et on a peur de partir avec l'aile, hein, comme on l'appelle, sur des mètres, sur la plage, et être écorché. Mais en fait, non, il y a une technique. Si on est emporté, on lâche tout, la voile descend d'elle-même. Et donc c'est vraiment safe, il n'y a pas de souci. Oui, alors Christophe, je crois qu'il est mûr qu'on peut lui mettre maintenant une planche au pied et qu'il pourra partir sur la Méditerranée. Alors, pour la planche, c'est pas tout de suite. Mais il est à deux doigts de partir, effectivement. Là, regardez, là, il se fait littéralement bousculer par l'aile. Et là, il veut tenter l'atterrissage. Donc, alors, l'atterrissage. Un petit atterrissage pour terminer cette initiation, Cody. On tente l'atterrissage. Et parfait. Parfait, mon cher Cody. Bah, écoutez, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Tu es prêt pour la leçon numéro 2. C'est-à-dire ? La même chose avec une planche au pied. Avec une aile de kite. Avec une aile à boudin. Je vais commencer par le rosé. C'est ce qui nous attend d'ailleurs dans un carré assez spécial, un restaurant éphémère sur la plage. On y sera juste après Jean-Jacques Goldman. Merci Christophe pour cette initiation. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous, merci Christophe. Merci à l'élève. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. On n'est pas des pigeons, vous non plus. Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Votre centre commercial Médiacité Liège, faites la musique. Des concerts gratuits avec le vendredi 17 juin, Two Kids on Holiday, Roscoe, Johnaby et Kid Noise. Samedi 18 juin, retrouvez d'autres concerts et vivez le match des diables sur écran géant. Info, médiacité.be. Votre enfant découvre la lecture ? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud-Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud-Presse. Papa, tu sais que l'ADEPS a 60 ans. Ah oui ? Belle preuve d'expérience. Je me rappelle mon premier stage ADEPS. J'avais 8 ans. C'était du tennis, en internat, à Spa. Alors, tu m'inscris ? Avec l'ADEPS, le sport, c'est à tout âge. Info et inscription sur adeps.be ou au 02 413 25 00. Avec Vivacité et l'avenir. I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine. Que je crois, je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go. C'est dingue, cette chanson a 31 ans et elle fait toujours plaisir à entendre. Jean-Jacques Goldman avec Michael Jones, Je te donne. Nous sommes à Montpellier, entre Montpellier, Palavas, les flots, 7, on se promène là sur une plage de Méditerranée magnifique, 9 km sauvage, et au milieu de cette plage, oh, un carré, une plage privée, un restaurant éphémère. Cody, vous ne tenez plus. Je ne tiens plus, tout simplement. C'est une région magnifique et là, on est vraiment... Là, c'est le pompon, là. Moi, je vais m'installer, je vais m'allonger tranquillement et puis je vais bronzer. Est-ce que quand vous rentrez dans un bar, peut-être qu'il y a une histoire qui vous revient, une histoire peut-être une à la limite, une blagounette. Une blagounette, bah oui, mais... Est-ce que vous connaissez cette fameuse blague ? C'est un type qui rentre dans un bar, oui, et il demande 10 bières. Et là, le serveur lui dit « Dépression ?» Il dit « Non. » Alcoolisme. Je vois que ça fait rire. Jacques Pourcel, bonjour Jacques Pourcel. Oui, bonjour. Chef étoilé, sensible à l'humour belge, ça va, ça passe? Oui, moi j'aime bien tous les humours, donc même le belge. Même le belge. Avec votre frère jumeau, on peut rappeler hein, Laurent Pourcel à la tête du Jardin d'Essence pendant combien d'années à Montpellier? 28 ans au cœur de Montpellier, oui, restaurant gastronomique, étoilé, voilà, et avec une cuisine signature. Alors là, Catherine, vous avez sélectionné cet endroit parce qu'on est carrément sur la plage. C'est vraiment une merveille de décoration. Ouais, c'est ambiance lounge, hein, comme on dit, relax, très classe en fait, hein, déco toute blanche. Pour des plats aussi typiques de la région que raffinés, hein, vous tenez à ce concept? Oui, disons qu'on a créé un lieu qui se veut être une paillote, qu'on appelle ici, donc toute de bois. Et en fait, on a voulu garder une cuisine qui soit assez régionale, assez un esprit un peu traditionnel, mais en même temps avec quelques touches un peu amusantes, voilà, et notamment sur des produits de la région. Alors, je vois qu'il y a des tables, on peut manger assis. Hein. Je vois aussi qu'il y a des sofas et puis carrément des matelas sur la plage. Il y a trois catégories. Oui, il y a trois catégories, et puis il y a surtout une plage qui remplit toute une journée. On attaque le matin vers 9h avec les transats, effectivement, sur la plage. On peut déjeuner le midi, on peut boire un verre au bar l'après-midi, continuer avec le dîner, et puis prolonger avec la musique sur la plage le soir. Donc, finalement, on n'est pas loin de couvrir entre 19 et 21 heures d'activité sur le lieu. Et ça se termine parfois très très tard. On imagine bien qu'on dit une petite fête entre amis ici. Alors là, je suis totalement conquis. C'est vraiment exactement le genre de lieu que j'aime. Et là, j'imagine vraiment une petite fête. Vous privatisez, je pourrais... On peut privatiser rien que pour vous, si vous voulez. Ouais. Ah ben voilà, le rendez-vous est pris, c'est dit. Voilà, c'est sur le service public, vous ne pouvez plus reculer. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'assiette alors Dans l'assiette, on est essentiellement des produits de la région. Donc les poissons de la côte, ici, avec la dorade, le loup, les calamars. Et puis après, ouais, le thon, bien sûr. Le thon, ici, c'est une des spécialités. Après, voilà, on va travailler beaucoup les viandes à la plancha aussi, donc les viandes de l'Aubrac et d'un peu plus nord du nord dans la région. Et puis voilà, et puis pas mal de beaux desserts, et puis des cocktails sympas au bar. En fait, il y a vraiment des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Merci de nous mettre sur la guest list, Jacques Pourcel. Pas de problème, la guest list est ouverte. C'est sympa. Voici Alain Souchon et Laurent Voulzy. Avant d'aller dans une ambiance barbecue, faire du... canoë, du kayak ? Du canoë et du kayak. Voilà, on retourne en ville là, puisque cette ville de Montpellier se visite aussi en bord de l'Aise. Donc on va embarquer, hein, ça vous dit ? On y va. Les gars, pour le foot, j'ai acheté un frigo américain chez Krefel. Je vous préviens, on va jouer les prolongations à la troisième mi-temps. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Week-end de porte ouverte les 11 et 12 juin chez votre concessionnaire Lana. Trois nouveaux modèles à découvrir. Lana, choisissez parmi 5 marques. Boulevard Zénogramme 33 à Herstal. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à conditions. Avec Poincaré, sortez-vous pour l'été. Du mercredi 1er juin au dimanche 12 juin, bénéficiez de moins 30% sur votre deuxième short. Offre valable sur les assortiments hommes, dames et enfants confondus. Voir conditions en magasin. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you can do. C'était les Pretenders sur Vivacité dans cette Franco-Odyssée à Montpellier. Montpellier, une ville sportive. Hein. On vient de faire du kitesurf sur la plage à Palavas-les-Flots. Et puis ici, on est au port de la ville. On voit des joggeurs qui courent le long des berges. On voit des kayaks à quelques centaines de mètres de la place de la Comédie. C'est une ville hyper dynamique à Montpellier. Mais super dynamique et super sportive. Hein, vous l'avez dit, là, on vient du kitesurf où on a fait pas mal de traction avec l'aile dans le vent. Et là, on se retrouve voilà, sur du canoë ou du kayak à refaire aller des bras et des pagaies, hein, on l'entend d'ailleurs. Avec Boris Parent qui est le président de l'association Montpellier Eau Vive Canoë Kayak. J'ai envie de vous demander d'ailleurs, première question, Boris, quelle est la différence entre le canoë et le kayak pour nous qui n'y connaissons rien? Il y a une histoire, il y a une idée historique entre les Indiens d'Amérique du Nord qui se déplaçaient en canoë le long des rivières. Et donc, qui avait des pagaies simples, qui pagayaient d'un seul côté. Et puis, une embarcation qui servait à chasser le phoque par les Inuits. Et qui était cette fois sur la mer. Et les gens étaient assis dans leur embarcation avec une pagaie double. C'est-à-dire, ils pouvaient pagayer des deux côtés. Et donc, ça, c'est le... Ça, c'est le kayak. Le kayak est une discipline olympique. On en verra beaucoup à Rio cet été. Ici, vous formez aussi des champions, des futurs champions. Bah, c'est un peu l'objectif, quoi. Il y a plusieurs objectifs, bien sûr. C'est que chaque jeune, non seulement découvre le kayak, puisse pratiquer comme il l'entend, et s'il en a envie de continuer à haut niveau, on puisse lui donner les moyens d'aller jusqu'à aussi loin qu'il puisse. Et bien sûr, si c'est aussi loin et quelque chose comme les Jeux Olympiques, bah, on en sera forcément content. Le Lez est un bon terrain d'entraînement ? Pas que, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir ce plan d'eau qui est au cœur de ville, donc c'est facile pour aller pratiquer tout le long de la semaine, etc. Et après puis, les cours, après l'école. Exactement, entre midi et deux. Et puis on a un grand nombre de rivières très agréables, très belles, et dans lesquelles c'est vraiment intéressant de pratiquer, et où on peut vraiment progresser. C'est des rivières qui sont à moins d'une heure de Montpellier, sur lesquels on peut aller sur une journée, un week-end, etc. Ouais, nous on aime ça parce que dans nos métiers, Cody, on a un peu l'habitude de ramer parfois. Oh, ça peut arriver qu'on rame. Enfin bon, moi je voulais revenir. J'ai déjà fait la dernière fois que j'ai fait une descente de l'Aise, c'était parce qu'il manquait de charbon et de chipolata pour faire un petit barbecue avec des copains. Et franchement, ça, on s'en est bien sorti finalement. Toute catégorie d'âge, des jeunes, aussi des adultes. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment adulte. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a surtout des jeunes adultes, on va dire 20-30 ans, hein, sur la majorité, mais on a bien sûr toute catégorie d'âge, des 8-12, un groupe de 8-12, un groupe d'ados et plusieurs groupes d'adultes. Dernière question, le Lez se jette dans quel fleuve? Alors le Lez se jette dans la mer et le Lez est un fleuve. Ah oui, d'accord, donc voilà. C'est un fleuve, c'est pas une rivière. Il se jette à Palavas, là où vous étiez tout à l'heure. D'accord, on aurait pu remonter en canoë. Vous auriez pu complètement remonter en canoë. Bon, en général on le descend plutôt. Oui. D'ailleurs la semaine prochaine on fait une descente du Lez en partant d'ici et qui finit à Palavas. Dans la mer, donc ça voilà. C'est pas mal non plus. Merci beaucoup Boris pour toutes ces explications. Et dans quelques instants, on va descendre autre chose. Un petit verre, une petite spécialité locale. Ah ben voilà, une petite spécialité locale. Du vin évidemment, hein, dans le Languedoc-Roussillon, plus vaste vignoble de France. C'était obligé Adrien, on va passer chez un caviste. A tout de suite sur Vivacité, ce sera juste derrière Olivier Dion. Je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pas. Sera debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler plus haut. De mes ces fêtes d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les avis, je ne crains rien, plus rien du tout. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut, de mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Jamais rien regretter, partir pour tout commencer. Oh oh, sans vous oublier, sans ne jamais me retourner, partir là où tout peut arriver. Dion avec cette chanson des Trois Mousquetaires, de mes propres ailes, ce qui me fait penser au kitesurf hein, qu'on a filmé sur la plage tout à l'heure. Allez voir la vidéo, elle est en ligne sur vivacité.be. Dites-nous quel animateur de Vivacité est imité par Cody et vous gagnerez un week-end pour deux personnes dans un des plus beaux villages de Wallonie, celui de Chassepierre. Et vous avez même, Cody, mené un peu l'enquête pour savoir ce que nos auditeurs vont gagner précisément. Ah oui, j'ai mené l'enquête et en fait deux menus gourmands au restaurant La Vieille Ferme à Chassepierre, donc ça c'est pas mal, et deux nuitées dans le gîte rural Trois Épis, le vieux logis. Que pouvez-vous nous dire sur Chassepierre? Alors Chassepierre, qu'est-ce que je peux vous dire? Mais que c'est très joli. C'est près de la Semois. C'est près de la Semois, exactement. Là où on a tourné la trêve. La trêve. Ouais, voilà. ouais. Donc ouais. C'est magnifique. Et dans la deuxième heure de cette émission, oui, nous accueillerons la bourgmestre de Chassepierre, qui est une jeune femme très sympathique. Ah bon? Ah oui, oui. Ah ben j'ai hâte. Vous allez voir. Je fais du teasing, mais vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Donnez-nous la réponse hein, si vous voulez gagner ce week-end à Chassepierre au 60-03, le nom de l'animateur imité par Cody. La vidéo est aussi en ligne sur la page Facebook de la Franco-Odyssée, hein, Vivacité Grandeur Nature. Juste après le journal de 16h, qui n'est plus très loin, nous irons faire des emplettes, du vin, du pain, un épicier, un luthier, tout ça en direct de Montpellier. À tout de suite. Avec Peugeot Shins, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Venez découvrir le tout nouveau SUV 2008 lors des portes ouvertes ces 11 et 12 juin. Et seconde bonne nouvelle, profitez de ce week-end pour essayer votre modèle préféré. Toute la gamme Peugeot sera disponible pour un essai. Peugeot près de chez vous, c'est Shins bien sûr. Toutes nos adresses sur PeugeotShins.be. Bonjour, c'est Christian Benteke. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Hey Terence, ouais. Tu promets de pas le prendre mal. Dis toujours. Bon, vous, les Angry Birds, je crois que j'ai quelque chose qui va vous redonner le sourire. C'est ça, rêve tout. En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Berlingo avec son coffre extra large et sa caméra de recul. Ouais ! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Vous écoutez Vivacité, il est 16h. On s'informe avec Marianne Brillo. Bonjour à tous. Ce violent incendie cet après-midi au sein du parc à conteneurs de l'intercommunal ICDI à Couillé, près de Charleroi. La colonne de fumée était visible à plusieurs kilomètres. Il n'y a pas de blessés. Le feu a pris dans un tas de déchets. On ignore encore pourquoi. Le site a été fermé, des déviations installées. Les pompiers devraient encore rester sur place pendant plusieurs heures. Plus de 200 comptes Internet à contenu radical ont été fermés en 6 mois par la police, fermés par la nouvelle unité de la police fédérale contre la propagande islamiste, un chiffre donné par le ministère de l'Intérieur. Sur ses comptes Twitter et Facebook, on pouvait lire de nouvelles menaces d'attaque ou encore des appels à la haine, la glorification aussi d'actes terroristes. Cette menace d'effondrement d'un immeuble à Ouï, à la rue des Jardins, il a été évacué hier. 3 familles évacuées, des analyses sont en cours. Le gaz a été coupé dans l'attente des résultats. La rue, elle, a été fermée à la circulation. Une décision sera prise ce soir par les autorités locales et l'expert qui a été désigné pourra découvrir l'origine du problème. En Grande-Bretagne, on est à moins de 2 semaines maintenant du référendum sur la sortie ou non de l'Union européenne. Après les syndicats cette semaine, ce sont 13 prix Nobel britanniques qui mettent en garde contre le oui à cette sortie de l'Europe. Le Brexit mettrait la recherche scientifique du Royaume-Uni en péril, disent ces prix Nobel. C'est un nouvel avertissement au moment où l'hypothèse d'une sortie de l'Union est donnée à nouveau largement tête dans un dernier sondage. 55% des Britanniques sont favorables à un Brexit. Mark Wilmots refuse toute pression avant d'affronter l'Italie lundi soir et il maintient que ce premier match des Belges à l'Euro ne sera pas décisif. Déclaration du sélectionneur national après la séance d'entraînement de ce matin, huis clos à Bordeaux. Mark Wilmots a dans son esprit l'équipe qu'il va aligner face aux Italiens, mais il ne veut pas encore la dévoiler. Demain matin, les Diables partiront pour Lyon et ils auront un nouvel entraînement le soir après 18h. Cet après-midi, l'Albanie rencontre la Suisse dans le groupe A. À la mi-temps, les Suisses mènent 1-0. Pays de Galles, Slovaquie à 18h. Avant le duel entre l'Angleterre et la Russie ce soir à 21h. À Marseille. Autre rendez-vous, celui de l'inforoute. J'allais vous oublier, Antoine Binamé. Vous auriez fait ça, vraiment. Ouais. On a un accident qu'un auditeur vient de nous signaler sur la 54 Nivelles-Charleroi, hauteur de Vieilleville. Bande de droite neutralisée vers Charleroi et puis toujours les suites de cet accident qui est arrivé peu avant midi sur la N56 Nîmes-Hatt à hauteur de Hatt au niveau de la chaussée de Mons. La circulation s'effectue toujours en alternance sur une seule voie et ce, dans les deux directions. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, je peux vous donner le prochain rendez-vous de l'info. Ce sera à 17h pour le journal de Viva avec Simon Gérard. Tout de suite, on repart vers Montpellier. Merci pour ces informations, c'est la Franco-Odyssée effectivement sur Vivacité à Montpellier, juste après la chanson de Julian Peretta. Je vous emmènerai faire quelques emplettes du pain et du vin à découvrir ici en Languedoc-Roussillon. Pour le foot, vous amènerez les pizzas les gars? Parce que moi, j'ai déjà commandé un super four chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. At every beat of my heart. Julian Peretta sur Vivacité dans cette Franco-Odyssée à Montpellier, une ville où j'ai l'impression que vous revivez. Que dites-vous Je revis. Oui. Écoutez, c'est formidable. Les gens sont agréables. Il fait beau. Les filles sont jolies. Les garçons aussi. On boit du bon vin. On mange bien. Moi, je reviens. Et c'est aussi une espèce de gymnase en plein air. Il y a Exactement. Des gens qui font du vélo, qui courent. Je vois un tai chi ici, au milieu de la place de la Canourgue sur laquelle nous nous trouvons. Catherine Tenero, beaucoup de drapeaux italiens aussi. Forza Italia. Effectivement. Alors si Montpellier n'est pas une ville hôte des compétitions de l'Euro, elle accueille certaines équipes. Et devinez laquelle est ce week-end sur Montpellier. La Squadra Azzurra. Voilà. Et la Suisse aussi. D'accord. Ne me dites pas que lundi, vous allez tenir pour vous allez faire la tifo. Lundi, vous allez quand même être diable rouge. Ma un peu. Soirée est gagnante dans tous les cas. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Que ce la soit journée opportuniste. D'accord. C'est vrai, elle a de la chance. Hein. Que ce soit l'Italie ou la Belgique, elle est de toute façon gagnante. Je suis comme elle, je suis opportuniste également. Voilà. Vous savez, je suis tellement opportuniste que je me suis toujours dit que si un jour je croise Brad Pitt et Angelina Jolie, je me fous à poil en suçant mon pouce en espérant qu'ils m'adoptent. On est face à l'atelier du vin où se déroule pour l'instant une dégustation. On va parler un petit peu avec le patron. Qui s'appelle Emmanuel, suivez-moi, on va essayer de le trouver à l'intérieur. Emmanuel qui est le gérant de cet atelier des vins, l'atelier de la Canourgue. L'atelier de la Canourgue, alors, tout à fait. Pourquoi la place s'appelle la Canourgue ? Alors le nom vient des moines, chanoines, qui étaient présents il y a quelques siècles, pas très très loin d'ici. Et dans l'ancien français, chanoine et Canourgue, c'était la même chose, voilà, des formations. C'est la raison pour laquelle on a un village qui est dans un département pas très lointain de la Lozère qui s'appelle la Canourgue. Et ce soir, c'est soirée Bourgogne. Soirée Bourgogne ce soir, nous voyageons dans la côte de nuit, voilà. On commence à Marsannay, sur le haut de la côte, pour arriver, on va passer par Chambol-Musigny, nous allons passer par Moret-Saint-Denis et nous finirons à Gevrey-Chambertin. Voilà le programme de notre soirée. Je vois aussi des écrans géants pour le foot. Chez nous en Belgique, c'est plutôt à la bière le foot. Ici, pour l'Euro 2016, ça se fête au vin ? Ça se passe comme ça en France ? À la bière également, mais je dirais moitié-moitié, 50-50. Voilà, on espère simplement que nos amis belges vont gagner les Italiens, c'est ça ? C'est bien, c'est bien. Je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, mais on en est. Elle s'appelle Catherine Tonero en même temps. Voilà, hein, voilà. Je prenais un risque. Oui, oui, oui. Vous avez créé ici l'énomatique. On peut payer son vin avec une carte un peu spéciale. Exactement. Vous prenez une carte, vous l'accréditez du montant que vous désirez. Et cette carte vous donne accès à 40 vins qui sont en permanence à la dégustation. Donc aujourd'hui, on peut aller en Argentine, on peut aller en Italie, on peut aller en Allemagne, au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Grèce aujourd'hui, voilà. Donc on peut voyager sans passeport et en toute sécurité. En tout cas, on vous souhaite une super compétition, un bon Euro 2016 et surtout un bel été ici à Montpellier. Merci à vous également. Dans quelques instants, on va aller chercher du pain parce qu'avec le vin, il faut du pain. Hein. Oui. Vous avez une bonne adresse pour le pain ? Oui, tout à fait. Des Rêves au Pain, c'est une boulangerie qui est à 500 mètres d'ici, qui vient d'être élue meilleure boulangerie de France en 2015. Donc je vous conseille vivement d'aller Un tout jeune boulanger d'une trentaine d'années qui a repris l'établissement. Christophe. Voilà. Eh bien, on y va. Je vous conseille vivement d'aller le voir et on se retrouve pour la finale de l'Euro. Belgique-France, évidemment, mais on va gagner, malheureusement. Voilà. Non, mais si on se retrouve en finale, on vous laissera gagner. Ah, quelle élégance, quelle élégance française. La classe, très très bien. Donc des jeux, du pain, du vin, la vie est belle et elle continue sur Vivacité. Avec Audi, pendant les Audi Days, on ne parle pas d'incroyables promotions, mais d'incroyables sensations. Les Audi Days, ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be.

chapter 2. It feels so fine. So fine, c'est super sympa d'écouter Grand Georges comme ça dans les rues de Montpellier. Grand Georges qui sera dans la Cité des Cinq Clochers à tourner le samedi 2 juillet pour le Beau Vélo de Ravel. C'est un concert gratuit sur la plaine des manœuvres. Nous sommes, nous, en manœuvre franco-odyssée jusqu'à 17h dans les rues de Montpellier avec Catherine Tonnero et Cody. Cody, on est en face d'un boulanger qui a presque plus voyagé que vous. Ah oui, oui, manifestement, il a beaucoup voyagé et il est dans la rue Eugène Lisbonne, l'inventeur du Portugal. Ah, c'est vrai, c'est fou ça. Bonjour Christophe. Bonjour. Des rêves et du pain, tout est dans le titre déjà. Le rêve, le pain, tout fait farine au moulin. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est une approche où c'était vraiment un rêve d'ouvrir la boutique et on y a mis forcément, c'était une boulangerie, donc le pain allait avec. Oui, vous avez bourlingué dans plein de pays avant de vous installer ici à Montpellier, donc vous avez eu le choix. Montpellier, après quel parcours ? Après avoir vécu plusieurs années en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Norvège et à Chypre. Je suis né ici, je suis grandi à Montpellier, donc c'était un choix naturel que de revenir aux sources. Ah voilà, un petit peu comme dans L'Alchimiste de Paulo Coelho. On fait le tour du monde pour se rendre compte que le bonheur, il est près de chez soi. Catherine, vous avez goûté le pain de ce boulanger, c'est le meilleur de tout le monde. Ah, mais on a repéré cette boulangerie, en tout cas parce qu'elle vient de gagner un prix hein, de la meilleure boulangerie de France. On a gagné le titre l'année dernière, c'est un concours national et à ma grande surprise, même encore maintenant, on a gagné le titre de la meilleure boulangerie de France. Et tant qu'on est dans les superlatifs, le plus vieux four à pain de France ? De France, je ne peux pas dire, mais en tout cas de Montpellier, encore en activité, oui. Il a 200 ans, donc il a été refait à l'intérieur, mais les fondations ont 200 ans. Et la particularité ici, au-delà du pain, c'est aussi cette brioche à la praline. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Oui, à la base, c'est une brioche qui est originaire de... On dit que c'est une brioche Saint-Génie. Donc c'est une brioche qui est originaire de Lyon. Et durant mes voyages, j'ai goûté ce produit, j'ai trouvé ça génial et du coup on le refait. C'est un produit assez traditionnel finalement. Voilà. Là, on y a goûté, on aime bien. Est-ce que le fait d'avoir reçu ce prix a changé quelque chose, on imagine, ici pour vous ? Oui, déjà ça nous a mené à... On a fait savoir aux Montpelliérains qu'on était ouverts, mine de rien. Et ça a été vu par plus de 2 millions de téléspectateurs, donc ça nous a fait exploser les premiers mois. Il y avait la queue non-stop hein, et ça nous a fait augmenter énormément la production. On vient d'aller, Cody, backstage, hein, je parle oui. Un petit peu dans le jargon de votre métier, dans les coulisses de cette boulangerie. Exactement. C'est tout petit l'entrée et derrière c'est une ruche. Exactement, derrière il y a énormément de monde. Vous avez dû engager depuis on a recruté plus de 6 personnes. Wow. Voilà, ça a créé 6 emplois supplémentaires, donc on a actuellement 12 à travailler, donc c'est bien. Je peux vous demander à quelle heure vous êtes levé ce matin ? 2h30. Ouais, c'est à peu près l'heure à laquelle je me suis couché. C'est vrai que Montpellier est une ville très festive et vous vous levez quand les autres vont dormir. C'est un peu l'horaire des journalistes qui font la radio le matin. Hein. Effectivement, mais 2h30 c'est même encore plus tôt. Quoi. Moi c'est 3h quand je fais le petit matin. Et encore 2h30, moi je suis arrivé un peu plus tard. Mes deux collègues boulangers... Eux sont levés à 1h30 ce matin. Continuez comme ça. Il s'appelle Christophe Prodel. Il a 30 ans. Il a été élu meilleur boulanger de France. Venez le voir, des rêves et du pain dans la rue Lisbonne. C'est ça, dans la rue Eugène Lisbonne. À Montpellier. Dans un instant, on vous emmène découvrir Chassepierre. C'est aussi beau que Montpellier. C'est plus petit. C'est un des plus beaux villages de Wallonie. Et c'est là qu'on vous offre un week-end pour deux personnes dans quelques instants. Juste après Alain Souchon et Laurent Voulzy. Et les tourments à l'intérieur. Magasin Schmitt propose les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près. Avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre Conseil Schmitt. Route du Condroit à Boncel, à Nocéafem, sur la route de Huiwarem ou JC, chaussée de Ton Grasrecours. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur mesure n'est plus un luxe. Oh, regarde, 30 jours de conditions maxi sur votre futur appartement neuf. C'est chez Thomas et Piron et nulle part ailleurs. Dans l'éco-quartier du Sartilement, 30 jours de conditions maxi sur une sélection d'appartements neufs Thomas et Piron. Porte ouverte ces samedis et dimanches de 14 à 17h dans notre bureau d'accueil situé rue du Sartilement, près du 357 à Liège-Angleur. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à conditions. Nouvelle Fiat Tipo 5 portes à partir de 13 200 €. 4 ans de garantie inclus. Il en faut peu pour recevoir beaucoup. À découvrir spécialement aux établissements Constant lors de nos portes ouvertes des 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Avec nous dans cette Francodyssée sur les bords de la Méditerranée, là on va faire le grand écart et aller du côté de Chassepierre où on retrouve Sylvie Théodore. Sylvie, bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes la bourgmestre de Florentville. Eh oui, je suis la bourgmestre de Florentville. J'ai la grande chance d'être la bourgmestre aussi de Chassepierre qui a été reconnue il y a peu un des plus beaux villages de Wallonie. Et on peut dire que Chassepierre n'a pas volé ce titre. Chassepierre aurait d'ailleurs dû être plus beau village de Wallonie. Depuis bien longtemps. Mon Dieu, oui, depuis bien longtemps, parce qu'effectivement, la vie villageoise à Chassepierre est tellement riche, tellement dense. Il y a encore une école primaire, et enfin d'abord maternelle, et puis ensuite primaire. Il y a deux restaurants, il y a des gîtes, il y a des chambres d'hôtes. Le soleil brille toujours à Chassepierre. Il y a aussi une troupe de théâtre, et puis le fameux festival des arts de la rue qui a lieu le troisième week-end du mois d'août et qui draine plus de 20 000 personnes. Et ça, c'est une fameuse carte de visite pour la commune. Oui, alors autant il fait bon vivre ici à Montpellier, autant chez vous à Chassepierre, on va dire du 1er janvier au 31 décembre, on prend le temps de vivre aussi. Bien sûr, c'est le microclimat gaumais, c'est la Gaume, c'est la douceur de vivre, c'est la lumière de la Gaume, c'est la semoie qui traverse Chassepierre, c'est la lumière gaumaise, c'est l'accueil des habitants, c'est tout à la fois effectivement. Le cœur de Gaume. Alors Chassepierre, c'est aussi connu pour son festival, c'est au mois d'août, oui. Festival des arts de la rue. Ouais. Donc pendant un week-end, du vendredi soir au dimanche, on peut croiser toutes sortes de drôles de machines. Ça dépend les thèmes des années, toutes sortes de choses dans les coins de ce petit village qui fait 235 habitants et qui, je le rappelle, accueille chaque année, fait la prouesse du moins d'accueillir 20 000 personnes sur le week-end. Oui, pour un village de 200 habitants et des poussières, 20 000 personnes. C'est incroyable. Énorme, ouais. Mais il y a aussi cet engouement villageois parce qu'il y a énormément de bénévoles. Donc ce sont beaucoup de gens de Chassepierre qui prennent congé pendant une semaine pour aider à installer le festival et puis à partir du lundi le démonter. Et donc c'est toute cette cohésion villageoise qui fait l'âme du village. Ce sera le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 oui. août 2016, voilà. Le festival des arts de la rue de Chassepierre. À Chassepierre. Quelles sont les spécialités locales de Chassepierre? Qu'est-ce qu'on peut goûter, à boire, à manger de particulier là-bas? Alors, à Chassepierre même, la fameuse plate de Florentville, qui est la pomme de terre qui a reçu cette année-ci l'IGP, et avec laquelle, on peut faire... Des frites? Non, pas du tout. C'est une pomme de terre à chair ferme. Ah, voilà. Donc non, c'est ce que j'allais dire. Une étuvée qui est plutôt un plat mijoté, qui est plus un plat d'hiver. Maintenant, on fait aussi une floriflette avec cette pomme de terre, qui est une pomme de terre gratinée avec du fromage d'Orval. Et puis, sinon, il y a aussi, ça c'est sur le territoire de la commune, différentes micro-brasseries. Et donc, on peut boire ça avec... la tartine, la floriflette. Ouais. Donc vous êtes une bourgmestre heureuse parce que non seulement vous avez dans votre territoire Chassepierre, mais aussi Orval. Mais oui. Je profite parce que j'aimerais, une fois pour toutes, qu'on donne vraiment la bonne définition au niveau du genre. Quand on commande un Orval, une Orval. Un Orval. On est d'accord, c'est bien un Orval. Et si on en prend plusieurs? Un Orval, parce qu'on en boit qu'un à la fois. D'accord, parce que j'entends parfois deux Orvaux, monsieur. Ah non, on en boit qu'un à la fois, donc c'est un Orval. D'accord, mais voilà, comme ça la vérité est dite. Merci, et ne nous jetez plus la première bière. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de Chassepierre, un de ses plus beaux villages de Wallonie. Restez bien sur Vivacité, dans quelques instants, on va vous poser, et même vous rappeler, la question qui vous permettra de gagner un week-end pour deux personnes sur vos terres. À Chassepierre. Magnifique. Merci, bon week-end. Un tout grand merci, bon week-end à vous tous. The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, distance. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Excellent après-midi sur Vivacité. Merci de suivre cette Franco-Odyssée dans les rues de Montpellier. J'imagine, Catherine Tonnero, vous qui avez fait un Erasmus à Bologne, que vous auriez bien fait un Erasmus ici à Montpellier aussi. Oui, tout à fait. On sent que c'est une ville jeune, étudiante, une destination Erasmus. Je crois savoir aussi que c'est la deuxième ville après Paris, la deuxième destination pour apprendre le français. Et que donc Montpellier est fort reconnu à l'étranger pour ça aussi. Mais on va nous le confirmer. Avec Elisabeth, qui est... On appelle comment une habitante de Montpellier? Montpellierenne. Vous êtes Montpellierenne. Parce qu'en fait, on dit chez nous, les vieux Montpelliérains, on dit Montpellier et pas Montpellier. D'accord. D'ailleurs, une fois à Radio France, France Musique, il y avait une retransmission du festival de Radio France Et le journaliste disait justement, on ne dit pas les belles filles de Montpellier, on dit les belles filles de Montpellier. Eh bien, Elisabeth de Montpellier, merci beaucoup. Donc, c'est Montpellier. D'avoir mis les points sur les i. Vous êtes née ici à Montpellier, qui est une ville universitaire, grande tradition aussi dans le domaine de la médecine. Et oui. En fait, au départ, c'est une ville qui est avec un fleuve. Peut-être que vous l'avez remarqué, qu'il y avait un fleuve à Montpellier, le Lèze, qui nous met en contact avec la Méditerranée. Et c'est par ce contact, justement, qu'on a des rapports marchands avec Barcelone, avec Gênes. Et de Gênes, en Italie, les Montpelliérains iront jusqu'à Salerne, au sud de Naples, sur la côte amalfitaine. Et là, c'est l'école de médecine la plus ancienne. C'est l'école qui est basée sur la médecine antique d'Hippocrate et de la médecine arabe. Et donc c'est de Salerne que les Montpelliérains ramènent tout cela à Montpellier. Et dès le XIe siècle, on parle de la médecine à Montpellier. Nostradamus serait passé par ici. Nostradamus, c'est le contemporain de Rabelais. Nostradamus a été inscrit à la fac de médecine à Montpellier au XVIe siècle, mais rayé parce qu'il s'occupait trop des astres et pas assez de la médecine. Un incontournable ici, à côté de la faculté de médecine, c'est le Jardin des Plantes. Ah oui, le Jardin des Plantes qui a été souhaité par les professeurs de la fac de médecine, qui n'étaient pas là à cette époque. Et le Jardin des Plantes était hors les murs, en fait. Et voulu par Richet de Belval, qui était professeur de médecine et de botanique. La botanique et la médecine étaient complètement liées, puisque on faisait venir tous les médicaments de l'Orient, donc c'était toujours des herbes sèches. Et le fait de souhaiter un jardin de botanique, on va avoir des plantes fraîches qui vont être cultivées et arborisées par les étudiants en médecine. Dans quelques instants sur Vivacité, juste après Maître Gims, nous allons parler des sentiers de grande randonnée qui traversent le Languedoc-Roussillon. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Après 16 ans de patience, voici le moment que tous les Belges ont tant attendu. Belgique-Italie, le premier grand choc à suivre en direct sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Bruno Mars, Renaud, Black Eyed Peas, Queen, Puggy, Dimitri Vegas, Avicii, 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges, en vente partout et sur la boutique RTBF. Il découvre RTBF Ovio. Et donc là, je suis dans la rubrique enfant, il y a les Schtroumpfs, le petit Spirou, et je peux regarder ça quand je veux, où je veux. Si je loupe une émission radio, je peux l'écouter en podcast. Oh, c'est super. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Sous-titrage Société Radio-Canada. me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Dès que vous apercevez une balise rouge et blanche, vous risquez de le croiser. Alain Carlier, bonjour. C'est vrai, c'est votre marque de fabrique, ça. C'est la marque de fabrique, effectivement, et c'est plutôt même blanc et rouge. Donc le blanc au-dessus, c'est un peu comme pour la bière. Hein. Oui, la mousse est blanche, elle vient au-dessus. C'est comme ça qu'on retient, effectivement. Donc la marque blanche et rouge, c'est la marque des traces GR. Oui, les sentiers de grande randonnée dont vous êtes un des spécialistes. Chaque semaine, depuis le début du printemps, vous nous présentez les itinéraires des régions que nous traversons. Et ici, pas loin, on peut faire l'Aude et le Pays Cathare à pied. Effectivement, en partant de Narbonne, donc pratiquement d'ici, à Carcassonne, histoire et beauté sauvage de l'Aude, le Pays Cathare. Car ici, la terre s'est essayée à tous les paysages, comme on peut le voir. Et il existe une Aude d'Orient, chaude et méditerranéenne, dont les sentiers GR, bien sûr, exaltent des parfums de thym, de romarin et même de lavande. Oh là là, ça se sent même à la radio. Alors au départ de Narbonne, il y a aussi le GR de Pays. Oui, un GR de Pays qui relie par une boucle, en fait, Narbonne à Port-la-Nouvelle, qui est sur la côte, ici tout près, et donc qui vous permet de revenir, donc c'est une boucle, on ne repasse pas par les mêmes endroits, et de revenir sur Narbonne, donc sans aucun problème, ou de le faire dans l'autre sens, de Port-la-Nouvelle vers Narbonne et inversement. Possible également de faire la traversée de l'Aude. Oui, alors là, c'est un peu plus à l'ouest. La traversée de l'Aude, c'est le GR36 qui vient de la Montagne Noire et qui file sur les Pyrénées par le pic du Canigou. Ah, le célèbre Canigou, c'est par ici que vous le croiserez. On va se retrouver tout au long de l'été, hein, parce que là, le printemps, on l'a passé à randonner ensemble sur les GR du sud de la France. On a parlé aussi des liaisons en Wallonie et à Bruxelles, mais à partir de la fin du mois de juin, du samedi 25, on se retrouvera chaque samedi et on commencera en province de Liège. Effectivement, à Lac à la Mine, donc le samedi, c'est notre premier rendez-vous. Et d'ici là, ben, on ne peut que vous conseiller de randonner curieux sur les 5000 km d'itinéraire balisé par 250 bénévoles passionnés de Wallonie et de Bruxelles, parce que sans eux, évidemment, on n'aurait pas des beaux chemins entretenus, balisés régulièrement chaque année. En fait, chaque baliseur doit refaire son itinéraire une vingtaine de kilomètres dans les deux sens et voir s'il n'y a pas eu de soucis. Et parfois encore, on trouve des petites améliorations. Et si vous voulez savoir un petit peu où passe le GR près de chez vous ou là où vous allez en vacances, en Belgique, en Wallonie ou même ailleurs, eh bien, il y a une adresse, c'est le site gr@sentier.org. Merci Alain, on vous souhaite un excellent week-end et on vous retrouve cet été évidemment sur les 13 étapes du Beau Vélo de Ravel. Away your pain when the miracle of love. Avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Garage Dave et Fils, concessionnaire Fiat, Alfa Romeo et distributeur officiel Citroën. Mais aussi carrosserie toute marque et occasion garantie. Service et qualité sont nos priorités. Garage Dave et Fils à Wanzui, E40 sortie 8. Visitez garagedave.be et sur Facebook. Portes ouvertes ces 10, 11 et 12 juin. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia et la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. Vivacité et la Une présentent les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival Liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be. Avec la DH et Moustique. Athénée Maurice Destenay, le meilleur choix pour les études. Tous les types d'enseignement, de l'immersion en anglais et un apprentissage moderne avec entre autres tablettes et tableaux interactifs. Athénée Maurice Destenay, désormais 3 implantations avec un premier degré sur le site EC Carré près de la Médiacité. Ça bouge à Destenay. Info 04 343 04 28. Week-end porte ouverte les 11 et 12 juin chez votre concessionnaire Lana. Trois nouveaux modèles à découvrir. Lana, choisissez parmi 5 marques. Boulevard Zénogram 33 à Herstal. Vivacité est à Montpellier cet après-midi, ville de sport, ville d'art et de culture aussi. Nous sommes maintenant dans le bâtiment des artisans d'art. Catherine Tonnerot, vous voulez nous présenter un métier typique de la ville? Oui, celui de luthier. Il y a une dizaine, une quinzaine même de luthiers dans Montpellier, ce qui en fait une ville tout à fait spécialiste de cet art particulier. Et nous accueillons Baptiste. Baptiste, on vous surprend et nos auditeurs vous entendent en plein ébauchage. Oui, voilà, c'est ça. Je suis en train de fabriquer deux violons et je suis en train de faire l'ébauchage. Donc je sculpte la voûte avec une bouge. Oui. C'est un travail de dégrossissage. Impressionnant de voir travailler ce bois. C'est quelle espèce ça? Alors j'utilise deux essences de bois principalement, de l'érable qui vient de Bosnie et de l'épicéa qui vient du Val de Fienne en Italie. Ah, Catherine, ça vous fait... Catherine de Sienne, hein, ça oui, vous voilà, ça me parle. Et vous avez été formé notamment par le grand maître de la région qui s'appelle Frédéric Chaudière. Voilà, donc j'ai été en partie formé par lui à la sortie de l'école de lutherie de Mirecourt. Et je travaille toujours avec lui une partie de la semaine. Donc je suis son assistant. Le métier de luthier offre le loisir de prendre le temps de faire les choses. Fabriquer un instrument prend du temps. Les musiciens sont prêts à attendre, nous attendre, Et donc, pour bien faire les choses, on prend le temps et c'est un vrai confort de vie. Cody, lui, prend le temps de vous prendre en photo, il fait des vidéos. Vous êtes comme un gamin, là, admiratif. Hein. C'est vraiment incroyable parce que on sent qu'il y a à la fois une force et une précision. Et un petit peu, je suis sûr que si moi j'essayais de faire ça, ça ferait un nichoir. Rien à voir avec un violon. Là. Par contre, je me dis, travailler le bois et s'appeler chaudière, ça c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que vous seriez d'accord de nous montrer le produit fini ? Donc il y a le morceau de bois, on voit les différentes étapes. Le violon en sort. Est-ce que vous êtes également musicien, violoniste peut-être ? Alors, violoniste, je l'ai été dans mes plus jeunes années. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Non, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais ça demande beaucoup plus de travail pour reprendre que le vélo. Donc oui, j'ai commencé à apprendre le violon quand j'avais 6-7 ans et j'en ai joué jusqu'à mes 23 ans, 24 ans. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je prends beaucoup plus de temps à les fabriquer et beaucoup de plaisir à les écouter qu'à en jouer. Mais vous nous faites un petit extrait, peut-être juste pour nous. Je vais vous jouer quelques petites notes qui me servent à écouter l'instrument quand je l'ai terminé pour pouvoir... juger de sa sonorité et des réglages qui restent à faire. Baptiste, en direct de son atelier, les artisans d'art à Montpellier. Eh bien écoutez, on applaudit. On n'est pas très nombreux dans l'atelier, mais on applaudit de tout cœur. Félicitations Baptiste, un très très grand merci. Bonne continuation et bon week-end. Merci beaucoup. À la plage aussi. Après l'atelier sans Absolument. Doute. Nous on se retrouvera pour terminer cette émission au panier d'Aimé, juste après Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Just imagine. C'était Justin Timberlake sur Vivacité dans cette Franco-Odyssée à Montpellier, émission qui se termine tout doucement. Alors, avant de partir à la gare, essayer d'attraper le TGV, s'il roule aujourd'hui, pour nous remonter vers le nord, on fait quelques emplettes, Cody ? Ah bah oui, moi j'avais repéré cette épicerie magnifique, le panier d'Aimé, et donc je ne pouvais pas partir sans acheter 2-3 trucs. Qui est Aimé, Catherine ? Ah bah c'est le grand-père de monsieur, ici, qui est avec nous et qui nous a accueillis hier d'une façon... Il fallait qu'on revienne, qu'on est vraiment tombé amoureux de l'endroit. Donc, qu'est-ce qu'on va ramener ? Moi, j'ai envie de ramener des grisettes, ça ne pèse pas lourd. C'est la spécialité de Montpellier, ça. Allez, les grisettes, c'est un petit bonbon populaire, quoi. Hein, un petit bonbon populaire à base de réglisse et miel. Voilà, donc en fait, c'est... une recette qui existe depuis la nuit des temps, qui a été redécouverte dans les années 60 par un monsieur qui depuis a fait fortune. Alors monsieur James, hein, expliquez-nous, vous êtes ici épicier fin de père en fils. Donc en fait, comment dire, mon grand-père s'appelait Aimé, donc Aimé c'était son prénom, et James ou Jam c'était son nom de famille, d'accord ? Et moi j'ai hérité de son nom de famille comme prénom, donc moi je suis Jam ou James. Et j'ai appelé la boutique Aimé parce que bah, c'était ce petit clin d'œil affectif au grand-père. Et puis je trouvais que la boutique, la connotation, le panier d'Aimé dans l'épicerie fine, bah, je trouvais ça bien. Alors James, moi je vais remonter aussi avec du jus de baobab parce que je suis un peu épuisé par ce marathon dans Montpellier. Et le jus de baobab, c'est un peu comme du Red Bull mais plus naturel. Hein. C'est meilleur. C'est plus naturel, c'est plus sain. En fait, c'est une petite boisson énergisante, d'accord, avec à base de baobab, quoi. Et en fait, ce sont des ingénieurs agronomes ici sur Montpellier, qui ont fait ça. Et c'est une toute jeune entreprise, mais qui démarre. Très fort, hein, puisqu'aujourd'hui on en trouve un peu partout en France. Et en fait, pour le côté énergisant, hein, c'est ce qui alimente l'équipe de rugby Montpellier. Eh bien, on va en prendre, nous, pour le match de lundi face à l'Italie. Hein. Les Diables Rouges vont carburer au jus de baobab. On imaginait que ça venait plutôt, je ne sais pas moi, d'Afrique, du Congo, du Bénin. Écoutez, on en apprend tous les jours. Le jus de baobab, finalement, ça vient de Montpellier. Alors, je ne garantis pas que le baobab soit issu de Montpellier. Quoi qu'on en a vu tout à l'heure dans le jardin des plantes. Ah, des plantations de baobab. Oui, absolument, absolument. Merci en tout cas pour votre accueil, James. Bonne chance à ce panier d'Aimé, pas très loin de la gare de Montpellier. Donc on va vite remonter dans le TGV. On remercie aussi nos partenaires, la SNCB, Atto France, la fine équipe aussi, Géraldine, Francis, Bernard Blave, qui met en onde cette émission. Je vous souhaite un super week-end. Vous jouez ce soir à Liège, il faudra remonter très vite. Hein. Oui, je joue ce soir à Liège. Je pense que le public va être au rendez-vous, donc je vais essayer d'être en forme. D'accord, vous le serez. Ce petit séjour dans le sud. Je vous rappelle aussi qu'il y a un week-end à gagner dans un des plus beaux villages de Wallonie, le village de Chassepierre. Il faut nous dire quel animateur de Vivacité Cody imite-t-il dans la vidéo en ligne sur vivacité.be. Deux mots pour imiter cet animateur ? Oui. C'est marrant parce que quand j'essaye de vous imiter, j'imite Stéphane Bern. Formidable, cette région de Montpellier qui nous accueille aujourd'hui et qui nous fera découvrir les plaisirs de la bouche et du palais. C'est génial. Merci beaucoup, Cody. Bonne continuation, Catherine Tenero. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et juste après le journal de 17h, il n'y a pas que le foot avec Manuel Jousse et Régine Dubois. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Très bon après-midi à tous. Un ciel toujours nuageux cet après-midi avec des averses orageuses possibles sur l'ensemble du territoire. Le mercure est en baisse et ne dépasse pas la barre des 20 degrés pour le centre. Ce soir et cette nuit, le ciel reste assez chargé, mais les dernières averses s'estomperont en première partie de nuit. Prudence, puisque des brumes et des brouillards ne sont pas à exclure près de la frontière française. Demain dimanche, les nuages domineront l'ensemble du territoire et on attend également un ciel menaçant pour l'après-midi avec localement quelques coups de tonnerre à l'est. Le mercure oscillera entre 16 degrés pour le sud et 20 degrés pour le centre de la Belgique. Avec Peugeot Shins, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Venez découvrir le tout nouveau SUV 2008 lors des portes ouvertes ces 11 et 12 juin. Et seconde bonne nouvelle, profitez de ce week-end pour essayer votre modèle préféré. Toute la gamme Peugeot sera disponible pour un essai. Peugeot près de chez vous, c'est Shins bien sûr. Toutes nos adresses sur peugeotshins.be. Nouveau Opel Renier, votre nouveau concessionnaire Opel à Soumagne. Choisissez Opel Renier, vous avez tout à y gagner. Votre enfant découvre la lecture ? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud Presse chaque jeudi chez votre libraire. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. En football, la Suisse a battu l'Albanie 0-1 et rejoint la France en tête du groupe A à l'Euro. Les Diables Rouges, eux, se sont entraînés avec Eden Hazard aujourd'hui. L'objectif sera la victoire face à l'Italie. Vous entendrez le sélectionneur Mark Wilmot. Airbnb, comme les autres sites de services sur Internet, sera taxé 4€ pour une chambre à 100€ la nuit. C'est la journée mondiale du tricot en public. Aujourd'hui, le tricot, c'est important pour certaines habitantes de Leuzen-Hainaut. Ça a même changé leur vie. Vous entendrez leur témoignage en fin de journal. Simon Gérard avec vous pour les informations. On démarre donc ce journal avec du foot, les résultats de l'Euro. Après la France, hier soir, c'était au tour de la Suisse de faire son entrée en lice. La sélection helvète s'est imposée 0-1 face à l'Albanie et rejoint donc les Bleus en tête du groupe A. Dans une heure, dans le groupe B, coup d'envoi du match Pays de Galles-Slovaquie. À 21h, l'Angleterre affrontera la Russie à Marseille. De leur côté, les Belges continuent leur préparation en vue de leur première rencontre face à l'Italie. Les 23 joueurs ont pris part à l'entraînement du jour, y compris Eden Hazard, qui avait reçu un coup sur le pied hier. Durant cette séance, Mark Wilmot a mis l'accent sur les phases arrêtées. Le sélectionneur fédéral ne table pas sur un match nul face aux Italiens. Moi, je ne signe rien du tout. Je vois le scénario du match et je vois comment ça se passe. Et on fera tout pour le gagner. Voilà, ça c'est mon objectif. Je n'ai jamais changé. Je crois que vous me connaissez un peu. Match nul, je sais que je vais faire les changements pour essayer de gagner ce match. Mais je sais très bien que les Italiens sont très dangereux. Et on ne sera pas naïfs non plus. Toujours au début d'un tournoi, il y a un certain stress, aussi bien chez les Italiens pour commencer le tournoi. Ça me paraît logique. L'équipe de France était stressée aussi. On attend 6 mois avant de démarrer, donc c'est normal qu'au début, il y a un facteur stress. Mais bon, ça peut s'évacuer rapidement. Il y a un peu plus de métier maintenant. Marc Wilmot au micro de notre envoyé spécial à Bordeaux, Thierry Duterte. Demain, les Diables quitteront leur camp de base pour rejoindre Lyon. Commander un taxi, un repas ou une babysitter sur Internet, rien de plus facile. Les plateformes d'échange de services pullulent, style Uber ou Menu Nextdoor par exemple. Le gouvernement a décidé de modifier la taxe sur ces sites car l'une de ces plateformes échappait à l'impôt. L'une des plateformes les plus connues, à savoir Airbnb, Baptiste Tupin. Airbnb, vous connaissez probablement, c'est ce site web qui permet de louer pour une nuit ou plus son logement à des touristes de passage ou encore d'occuper une chambre chez un particulier lors d'un week-end. Dans un premier temps, les revenus générés par ce site n'étaient pas repris dans la taxe sur l'économie collaborative. Le vice-premier ministre Alexander De Croo, qui porte ce projet, considérait effectivement qu'il s'agissait de revenus immobiliers traditionnels et qu'il pouvait donc échapper à cette nouvelle taxe. Or, la location d'un logement via ce site implique aussi une série de services, mise à disposition de draps, de serviettes de bain, d'un petit déjeuner, etc. Le gouvernement a donc changé son fusil d'épaule et considère désormais que la part de revenus correspondant à ces services doit bien être taxé. Cette base taxable sera estimée forfaitairement à 20% du total des revenus. Faisons le calcul, pour un propriétaire qui met une chambre en location à 100 euros la nuit, la nouvelle taxe sur l'économie collaborative représentera une somme de 4 euros. En bref, le réacteur nucléaire Tihange 2 sera redémarré mercredi, plus que probablement. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Serge Dauby, le porte-parole du site nucléaire. Le réacteur s'est mis à l'arrêt vendredi. Le problème venait d'une panne d'un moteur électrique dans la partie non nucléaire de la centrale. Politique, chantier des idées du PS aujourd'hui à Soigny sur le thème de la protection sociale. Et dans les coulisses, on parlait aussi des actions de grève de ces derniers jours, notamment celle du personnel d'IGA chargé de la collecte des déchets dans les régions de Mons et La Louvière. À Mons, l'opposition MR demandait à Elio Di Rupo de faire appel au privé pour ramasser les poubelles. Mais pour le président du PS, ce n'était pas la bonne solution. La preuve que c'était la bonne solution, c'est qu'ils ont repris le boulot et ce matin, la place de Mons est nickel, très propre, et je ne voulais en aucun cas apparaître comme un provocateur. Il y a un problème, ces gens faisaient grève contre le gouvernement de Charles Michel, ils devaient vraiment montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Faire venir des privés, c'était aller à l'affrontement. Je voulais patienter et continuer le dialogue. Et pour les gardiens de prison, c'est ce que vous demandez au gouvernement finalement ? Mais gardien de prison, est-ce que le gouvernement va continuer à garder la situation telle qu'elle ? Il faut à un moment donné se remettre autour de la table et faire preuve de réalisme et trouver avec les organisations syndicales et les gardiens de prison eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de gardiens de prison qui ne sont pas directement syndiqués ou sous les instructions d'un syndicat, il faut trouver avec eux une solution. Une interview réalisée par Marc Cirleroux. Cette question à présent, comment intégrer les réfugiés dans les sociétés européennes ? Et pourquoi pas par le sport ? À Borlang, une ville suédoise, on tente en tout cas l'expérience. Un entrepreneur a décidé de créer une équipe de hockey sur glace avec, oui, des Somaliens. L'enjeu est de taille dans la ville. Il y a 50 000 habitants et 3 000 réfugiés somaliens. Reportage de notre envoyé spécial en Suède, Aurélie Didier. 1, 2, 3, Somalia ! Des réfugiés somaliens forment la première équipe nationale somalienne de hockey sur glace basée en Suède. Depuis 3 ans, ils participent même au championnat mondial. Le capitaine de l'équipe, Hassan, a 21 ans. Il est arrivé en Suède dans la ville de Borlänge il y a 6 ans. Sa famille a fui la guerre. When I grow up, you learn many things.